بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 78 dans l'explication du livre de Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, avec les commentaires qu'il a donnés de son livre. Et on était arrivé au dernier cours à l'explication du passage suivant. C'est lorsque le cheikh il dit: ونرى ان من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الاسلام من دين اليهوديه او النصرانيه او غيرهما فهو كافر ثم ان كان اصله مسلما يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا لانه مكذب للقران. Donc on expliquait que quiconque pense aujourd'hui qu'il y a une autre religion qui est acceptée d'Allah autre que l'islam, que ce soit la religion juive ou chrétienne ou n'importe quelle autre religion, eh bien il est kafir dans ce cas-là. Et si cette personne à la base était un musulman, alors dans ce cas-là il sera appelé à se repentir. Et s'il refuse de se repentir, alors dans ce cas-là il sera dans un pays musulman exécuté par les autorités du pays pour avoir démenti la parole du Coran. Qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran? Et on a commencé à expliquer ce point-là, puis on a expliqué que ceux qui appellent à cette idée-là, c'est ceux qu'on appelle les du'at de Tawhid ou la Diyan. Tawhid ou la Diyan, ça veut dire ceux qui appellent à unifier les religions, qui veulent que toutes les religions soient unis et rassemblés, et qui disent non, il n'y a pas de différence entre les religions, tout le monde est pareil, on est tous croyants, comme j'expliquais plus tôt aujourd'hui, quand certains qui disent par exemple non mais finalement même les koufars ils sont croyants parce qu'ils croient en leur religion. Et l'important, comme j'expliquais, c'est pas de croire en une chose quelconque, mais bien entendu de croire en la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ dans sourate Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui ont cru en ce qui est faux et qui ont renié la foi en Allah, ceux-là sont les perdants. Donc le fait de croire en le batil, en qu'est-ce qui est faux, ça ne fait pas de quelqu'un un croyant, puisque d'être un croyant consiste à croire en la vérité et non pas à croire en ce qui est faux. Et le cheikh il explique ensuite il dit: wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ahkamul khalq فهذا والإنسان يجب أن ينتظر أن ينظر إلى الواقع. Bon, on va relire le passage au complet parce que le cheikh il expliquait certains points. Si on lit pas ça, on va pas comprendre. Le cheikh dit: إن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن تكون دينا مقبولا عند الله فهذه ردة لأنها تكذيب للقرآن وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكت فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله وإن أراد بهذه المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق والإنسان يجب أن ينظر إلى الواقع. Donc le cheikh il explique que si les gens qui parlent de l'unicité des religions ils veulent dire que il y a d'autres religions qui seront acceptées d'Allah autre que l'islam, ça c'est une apostasie, c'est un reniement de la foi, parce que tu démentis le Coran. Il dit toutefois, si quelqu'un, par exemple, quand il parle de l'unicité des religions, il veut dire que chacun il doit se taire par rapport à la religion de l'autre, et qu'il ne doit pas le critiquer, il ne doit pas condamner la religion des autres. Il dit dans ce cas-là, ça veut dire que tu as complètement aboli le djihad, ou tu renies le djihad complètement. Et ça, c'est également une contradiction de la religion. Il dit toutefois, si la personne, elle parle de vouloir faire des ententes de paix avec les koufars et les mouchriquins, et de faire des trêves avec eux, du moment que les musulmans sont dans une incapacité ou dans un moment une période de faiblesse, alors il dit ça dans ce cas-là, ça c'est la vérité, parce que il faut regarder les choses dans la réalité, et il faut être réaliste, Le messager, le cheikh dit, le messager, quand il était dans une situation difficile, il a fait l'entente de Al-Hudaybiyah avec les mushrikins. Même si, il dit, même si certains d'entre les musulmans de l'époque considéraient que les conditions de cette entente étaient désavantageuses envers les musulmans et qu'elles étaient très dures envers les musulmans, eh bien, il fallait faire preuve de patience et d'endurance et de comprendre la situation et la réalité de qu'est-ce qu'impliquait justement cette entente-là. Lorsqu'on fait une entente avec des gens et qu'on est dans une position de faiblesse, c'est pas la même chose que lorsqu'on fait une entente avec des gens et qu'on est dans une position de force. Parce que quand on est dans une position de force, on est capable d'imposer nos termes et de mettre nos conditions. Tandis que quand on est dans une position de faiblesse, eh bien, on est quand même limité sur ce plan-là. Et on est obligé parfois d'accepter certains compromis ou certaines concessions pour un plus grand bien. Hein? Pour un plus grand bien. Et donc, ici, le cheikh, il mentionne l'exemple du fait que certains parmi les sahaba, il mentionne par exemple Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il n'était pas content lors de l'entente de Al-Hudaybiyah parce que il a vu que les conditions qui avaient été mises contre les musulmans étaient trop désavantageuses. Et il voyait ça comme, hein, comme étant une position de faiblesse. Alors il a dit à Abu Bakr, hein, comment est-ce qu'on n'est pas sur la vérité et les mushrikins sont sur le faux? Alors pourquoi dans ce cas-là est-ce qu'on accepte la position d'être placé en dessous et d'avoir justement une position de faiblesse dans cette entente de paix? Et Abu Bakr, bon, ça c'est en premier, il a demandé au messager d'Allah, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu par une réponse convaincante. Il lui a dit: je suis le messager d'Allah, je ne vais pas lui désobéir, et il va me défendre, il va me donner la victoire. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui a posé la question après, et Abu Bakr lui a répondu la même réponse que le messager d'Allah, alors qu'il n'avait même pas consulté le messager d'Allah, et le messager d'Allah ne lui avait pas mentionné quoi que ce soit là-dessus. Mais Abu Bakr radiallahu anhu, dans cette situation-là, il avait compris la sagesse et il a répondu à Omar ibn al-Khattab de la même réponse que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Il a dit: il est le messager d'Allah et il ne lui désobéit pas, et c'est Allah qui va lui donner la victoire. Alors il a compris, Omar ibn al-Khattab, à ce moment-là, radiallahu anhu, il a compris que Abu Bakr avait été plus ferme que lui, et qu'il avait compris de cette situation-là quelque chose que lui n'avait pas compris. Donc il avait plus de fermeté, Abu Bakr radiallahu anhu a eu plus de fermeté dans cette situation-là que Omar. Il dit, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit: وَبِهِ نَعْرِفُ أَنَّ أَبَا بَكْرًا أَكْوَ جَأْشًا وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا مِنْ عُمَرَ وَغَيْرَةً مِنْ بَابِ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَبَرَ فِي مَوَاطِنِ الشِّدَّةِ أَكْثَرُ مِنْ صَبْرِ عُمَرَ هَذَا مَوْطِنِ. Parce que Abu Bakr radiallahu anhu, il a fait preuve de plus de fermeté dans des situations difficiles que Omar ibn al-Khattab. Et ça, c'est un des exemples. Il donne un autre exemple. Al-Mawtin al-Thani, عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمر رضي الله عنه لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأعلن موته قام خطيبا في الناس في المسجد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات يعني إنما أغمي عليه وليبعثنه الله ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم وأنكر ذلك أشد الإنكار فقام خطيبا وهو من هو ولكن أبو بكر رضي الله عنه هو أشد الناس فيما نظن مصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قد رؤيا منه نوع من النشاط، فخرج رضي الله عنه إلى بستان له في السنح، فجاءه الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل بتودأة ورباطة جأش وطمأنينة، وكشف عن وجهه فإذا هو قد مات، فقبله يبكي ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا، ووجدوا عمر يتكلم، فقال له على رسلك، تأنى. ثم صعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب، فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يعني ولتمت عبادته، ومحمد مات عبادته تموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Donc le cheikh explique la deuxième situation par rapport à ça, c'est lors de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, quand on lui a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort, et que des gens ont annoncé sa mort dans la mosquée, lui il est venu, puis il a dit: non, c'est faux, le messager d'Allah n'est pas mort, il est seulement tombé inconscient et Allah va le ressusciter et il va couper les mains et les pieds des gens. Alors il a complètement refusé d'accepter la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est levé pour faire un discours et commencer à dire aux gens qu'il n'était pas mort. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, c'était les gens qui ont été parmi ceux qui ont été les plus affectés par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme selon qu'est-ce qu'on pense de la situation. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été vu ce jour-là avec un peu d'énergie. Ce jour-là, il avait été un peu, on l'avait vu plutôt avec un peu d'entrain, il était en bonne forme, ou il était en meilleure forme. Alors, Abu Bakr est sorti dans un jardin, et il a reçu la nouvelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était mort. Alors, il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est entré vers lui de façon calme, et reposée, et tranquille, et douce. Et il a découvert le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé qu'il était effectivement décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a embrassé, et en pleurant, et il a dit, « Bi'abi anta wa ummi », ça c'est une expression que les Arabes disaient, c'est-à-dire: je donnerai en échange mes parents pour toi, au messager d'Allah. Par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: tu as été bon, vivant et mort. Et il a dit: Allah ne va pas te donner deux morts. Ça, il dit, ça c'est ta première mort, et tu l'as subi cette mort-là. Et il a dit, il est sorti vers les gens. Alors il a trouvé que tout le monde était affolé, dans la mosquée tout le monde était comme troublé, les gens étaient dans c'est comme un peu le désordre là, les gens étaient un peu affolés, ils savaient plus quoi, qu'est-ce qui se passait. Et Omar radiallahu anhu était en train de parler, donc Abu Bakr il trouve Omar en train de faire son discours puis de commencer à dire n'importe quoi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a dit: ala rislik. Calme-toi. Ta'anni. Yani, prends ça. Yani, prends les choses calmement, Omar. Doucement. Alors, il est descendu du minbar. Parce que c'était un moment difficile pour Omar ibn al-Khattab et pour tous les sahaba. C'était un moment difficile, éprouvant. Et Omar ibn al-Khattab, il a été dans ce moment-là, il a plus parlé selon ses sentiments et les émotions. Il n'a pas parlé avec le bon sens à ce moment-là. Il n'a pas été ferme comme Abu Bakr radiallahu anhu. Donc Abu Bakr, lui, il est monté sur le minbar et il a fait un discours. Il dit, ce discours mérite d'être écrit avec ça devait être écrit avec de l'encre d'or. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait son introduction, après il a dit, ensuite, celui qui adorait Muhammad, alors sachez que Muhammad est mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que son adoration est morte. Il n'y a pas d'adoration qui doit être offerte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si c'était lui que vous adoriez, sachez qu'il est mort. Mais si c'est Allah que vous adoriez, alors sachez que Allah, lui, il est vivant et il ne meurt pas. Et c'est là qu'il a récité les versets. ثم قرأ رضي الله عنه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فقال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن قرأها أبو بكر فما تقلني رجلي فبارك على الأرض وعجز أن يقف فأيقن أنه الحق وهذا موطن عظيم جدا ومع ثبات أبي بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه وما أكثر من كانوا مثل عمر في ذلك الوقت. Donc le cheikh, il dit, et Abu Bakr radiallahu anhu, il a récité des versets comme le verset 30 dans Surat Az-Zumar, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka mayyitun, tu vas mourir, et eux aussi ils vont mourir. Et il a récité également l'autre verset dans Surat Al-Imran, le verset 144, et Muhammad n'est qu'un messager, et il y a des messagers avant lui qui ont été, qui sont passés également. Est-ce que s'il meurt ou qu'il est tué, allez-vous retourner sur vos talons? Et Omar radiallahu anhu qui a dit, et lorsque j'ai entendu Abu Bakr qui a récité ces versets-là, il dit, c'est comme si mes jambes n'étaient plus capables de me porter. Alors je suis tombé à genoux sur mes jambes par terre, incapable de rester debout. Et à ce moment-là, j'ai été convaincu, j'étais certain à ce moment-là que c'était la vérité. C'est-à-dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était mort. Et donc, il dit ça, c'est des situations difficiles et des situations très grandes lorsqu'elles se sont présentées. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, est resté ferme, d'une fermeté incroyable. Immense. Alors que Omar radiallahu anhu a été incapable de supporter cette situation-là, ou ce genre d'épreuve-là. Donc c'est pour dire, Omar, on le connaît par sa fermeté, par sa dureté, de façon générale, c'était quelqu'un qui était dur, qui était ferme, sur la vérité, qui était fort. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si le shaitan il prend un chemin, Omar, si Omar il prend un chemin, le shaitan il prend un chemin différent. Parce que il fait peur au shaitan. Il était ferme dans la vérité. Et à plusieurs occasions, le Coran a confirmé la position de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Mais, dans ces situations-là, on a vu que Abu Bakr avait plus de fermeté que lui encore. Et un autre exemple. Amma al-mawtin al-thalif, فإنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم وعرضه عمر رضي الله عنه قال كيف نقاتلهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيل له كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه وأجاب أبو بكر فأجاب أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال له والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والزكاة حق المال وقال في جيش أسامة والله لا أحل رأيا لا أحل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كانت النتيجة والحمد لله أن غلب المرتدون غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أموالهم وبالنسبة للجيش فإنه صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب قالوا هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل إذن فعندهم قوة فهابهم الناس المهم والمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أشد الصحابة ثباتا في مواطن الشدة. Le Sheikh il explique que la troisième exemple, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que les Arabes ont commencé à apostasier et à abandonner l'islam. Et certains ont voulu refuser de payer la zakat. Ils ont dit la zakat c'était une tribu, un tribut qu'on donnait aux messagers. Parce qu'il nous a conquis ou bien il nous a. C'est lui qui avait le pouvoir. Donc c'était comme un genre de reconnaissance de son autorité, on payait la zakat. Mais maintenant qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, alors on n'a plus besoin de payer la zakat maintenant. C'est fini la zakat. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr? Il dit, je vais aller combattre ces gens-là. Parce qu'ils refusent de payer la zakat. Alors Abu Bakr, il a dit ça et Omar radiallahu anhu, lui, il n'était pas d'accord. Il a dit, oh Abu Bakr, comment tu veux combattre des gens qui disent la ilaha illallah? On ne peut pas les combattre, c'est les musulmans. Ils disent la ilaha illallah. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et il dit, فَإِذَا قَالُوهَا et lorsqu'ils l'ont dit, عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ils seront protégés contre moi dans leur bien, dans leur sang et dans leur bien. إِلَّا بِحَقِّهَا excepté pour un de ses droits. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ et leur jugement incombera à Allah. Donc, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, alors, الزَّكَاتْ مِنْ حَقِّهَا الزَّكَاتْ fait partie de ses droits, des droits de la ilaha illallah. Et il a dit, par Allah, je vais combattre quiconque donnait une corde au messager d'Allah, s'il refuse de la donner aujourd'hui, je vais le combattre pour ça. Et il dit, je vais combattre celui qui distingue entre la salat et la zakat. Pourquoi il continue à prier, mais ils ne veulent pas donner la zakat Et en même temps aussi, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une armée. C'était l'armée de Usama. C'est Usama qui était à la tête de cette armée-là. Et c'est Uthman, radiallahu anhu, qui avait équipé toute cette armée au complet, lui-même, avec son argent. Radiallahu anhu. Et elle était prête à partir. L'armée était prête à partir. Et lorsque cette armée allait partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, certains d'entre les Sahaba, lorsqu'ils ont vu que les Arabes commençaient à apostasier, ils ont dit non, on ne peut pas envoyer cette armée-là. Parce qu'on en a besoin pour aller combattre les autres. Alors, si on l'envoie vers la Syrie ou le Nord, comment on va faire pour combattre les autres? Abu Bakr a dit, une fois que cette bannière a été levée, je ne veux pas l'enlever. Une bannière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mis, je ne veux pas moi l'enlever. Donc il a envoyé l'armée de Oussama vers le nord, vers la Syrie, pour aller combattre là-bas. Et lui, il a combattu les tribus arabes qui refusaient de payer la zakat et les apostats. Et qu'est-ce qui est arrivé finalement? Le résultat a été, alhamdoulillah, que les apostats ont été écrasés et la zakat a été récupérée. Et en ce qui concerne l'armée de Oussama, eh bien, ils ont eu, grâce justement à cause de cette armée qui avait été déployée vers le nord, quand les Arabes voyaient l'armée partir vers le nord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit, s'ils sont capables d'envoyer une armée vers le nord, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de force encore. Alors ils ont tous eu peur. Et ça a donné encore plus de prestige et d'effroi dans le cœur des Arabes quand ils ont vu ça. Alors ils se sont dit, ah, s'ils sont capables d'envoyer une armée comme ça vers le nord, ça veut dire qu'ils ont de la force. Alors ça a été un grand bien pour les musulmans. Tandis que s'ils n'avaient pas envoyé l'armée, ça aurait été différent. Donc, qu'est-ce que le cheikh dit? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? C'est pour expliquer que Abu Bakr radiallahu anhu, c'était parmi tous les sahaba celui qui avait le plus de fermeté dans les situations difficiles. Dans les situations difficiles. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymeen, il dit: wa nara anna man kafara bi risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila an-nas jami'an faqad kafara bi jami' ar-rusul hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttabi'un lahu liqawlihi ta'ala kadhabat qawmu nuhin al-mursalin. Donc le cheikh il dit, et nous considérons que quiconque a renié le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes, c'est-à-dire qu'il a renié que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les hommes, eh bien c'est comme s'il avait renié la foi en tous les messagers, sans exception. Même le messager qu'il prétend suivre et en qui il prétend croire. Il dit, et ça c'est basé sur le verset 105 dans Sourate Shu'ara comme exemple, parce qu'il y a d'autres versets aussi, mais il dit كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ, c'est-à-dire le peuple de Nuh a nié les messagers. Est-ce que à l'époque de Nuh il y avait eu d'autres messagers avant? Non. Pourquoi alors Allah il a dit que le peuple de Nuh a nié les messagers? Parce qu'ils ont nié Nuh, et celui qui nie un d'entre les messagers, c'est comme s'il a nié tous les messagers sans exception. Donc ça c'est une preuve de ça. Alors le cheikh il explique, cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit قوله ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل ومن كفر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الرسل ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي ويقول إنه رسول بل قال إنه رسول وإلى الناس جميعا فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر ومن كفر بعموم الرسالة فهو أيضا كافر لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه متبع له. Donc le cheikh il dit, quiconque a renié le message du messager sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a renié tous les messagers. Et quiconque a renié le message, le sens général de son message, dans le sens qu'il a été envoyé à tous les hommes, alors ça veut dire qu'il a renié la foi en tous les messagers également. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit seulement qu'il était un messager, mais il a dit « Je suis un messager et j'ai été envoyé à tous les hommes ». Donc, celui qui a renié la base du fait qu'il est un messager, il est kafir. Et celui qui a renié le fait que son messager soit un message, le fait que son message soit un message qui est général à tous les hommes, il est lui aussi un kafir, hein, parce que il n'a pas cru en le message de la manière qui a été ordonnée et de la manière qui a été amenée par le messager lui-même. Puis ensuite, il dit, et quiconque a renié la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est comme s'il avait renié la foi en tous les messagers, même le messager en lequel il prétend croire et qu'il prétend suivre. Comme par exemple Jésus, s'il prétend être en train de suivre Jésus, s'il ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cru en Jésus non plus. Et s'il prétend suivre Moussa alayhi salam parmi les juifs, et qu'il ne croit pas en Isa, et qu'il ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il a renié la foi en tous les messagers aussi. D'accord? Pas seulement en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même en son propre messager, Moussa et Isa et tous les autres. Et le Cheikh il dit ensuite, حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن متبع له. Il dit, وقوله حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به ومتبع له. فالنصارى مثلا إذا قالوا نحن لا نؤمن أن محمدا رسول الله إلى الخلق قلنا أنتم الآن كفرة بعيسى ونقولها بملء أفواهنا ونريد أن تصل إلى أسماعهم إنهم كفار بعيسى وإن عيسى لو خرج لقاتلهم والعجب أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى عليه السلام ومع ذلك يكذبون به لأن عيسى عليه السلام يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ الجواب لا. فكأنه يقول آمنوا به فهو خير لكم لأنه بشرهم والبشارة هي الإخبار بما يسر وهم يقولون إن الذي بشرنا به أحمد والذي جاء هو محمد والجواب على ذلك من وجهين. Donc le Cheikh il dit, même le messager en lequel il prétend avoir cru et qu'il prétend suivre, ils n'y ont pas cru, hein, également. Et il dit, c'est pour ça, par exemple, que nous disons, Cheikh, il dit, si nous disons, إِذَا قَالُوا, donc s'ils disent, les chrétiens, nous ne croyons pas en Mohammed comme étant un messager envoyé pour la création, ou pour les hommes. Alors nous, on dit à ces gens-là, dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous, dans ce cas-là, vous ne croyez pas non plus en Isa. Et on le dit, hein, avec toute notre force. Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils prétendent, nous on leur dit, pour qu'ils puissent l'entendre, vous avez renié la foi en Isa, en rejetant la foi en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et si Isa revient aujourd'hui, eh bien il va vous combattre. Hein? Il va combattre les chrétiens en premier. Et il va combattre ceux qui se prétendent croire en lui et qui ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que Jésus fait partie des prophètes qui ont annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, il refuse d'y croire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 6 dans sourate As-Saff, lorsqu'il a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils d'Israël, il mentionne les paroles de Isa. Il dit je suis un messager d'Allah pour vous tous, je suis un messager d'Allah pour vous ô bani, ô fils d'Israël, je suis un messager d'Allah pour vous. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah, c'est-à-dire je viens confirmer ce qui est entre vos mains de la Torah, et vous annoncez la venue d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. Alors est-ce qu'il va annoncer quelque chose, est-ce qu'il va annoncer quelque chose et que la personne qui a été annoncée elle ne va pas en profiter? Il dit la réponse c'est bien sûr que non. Parce que, il dit, c'est comme s'il lui disait, croyez en lui, c'est meilleur pour vous. Parce que il leur a annoncé sa venue. Et le fait de l'annonce, de faire l'annonce d'une information, dans la langue arabe, on appelle bishara. Bishara, c'est quelque chose qui est, une chose qui est une information ou une nouvelle qui est joyeuse ou réjouissante. Al-Bishar. C'est ça. Mubashirin. Mubashirin, ça veut dire quelqu'un qui vient t'annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle qui est joyeuse. Donc quand il vient t'informer une nouvelle, c'est quelque chose de bien. Et il dit, et eux, ils disent, celui qui nous a été annoncé, c'était Ahmad. Alors que celui qui est venu, c'était Muhammad. Et il dit on peut répondre de deux façons à ça. يعني الجواب على وجهين على ذلك من وجهين. الأول هل تمنعون من تعدد الأسماء فاسمه أحمد واسمه محمد كلاهما ولا مانع. والثاني أن الله تعالى قال فلما جاءهم بالبينات فدل على أنه ليس هناك نبي منتظر فلما جاءهم فلما جاءهم أي وجاء فعل ماض يعني جاء بني إسرائيل أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل ونقول له أنت كفرت أيضا بمن اتبعت والدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا ولم يوجد رسول قبله إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده وذلك لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل إذ إن الوحي واحد. Donc, le cheikh, il dit, la réponse à ça, c'est de deux façons. La première, c'est que, est-ce que vous empêchez que quelqu'un ait plusieurs noms? Donc, il s'appelle Ahmed, il s'appelle Mohammed. Et les deux sont ses noms. Il n'y a rien qui empêche ça. Et en plus, c'est la même racine, les deux. Ahmed, Mohammed, les deux, ça vient de la même racine. Et le cheikh, il dit, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il leur est venu, ce messager leur est venu avec des preuves claires. Et donc ça c'est la preuve que il n'y a pas un prophète qui est attendu. Il n'y a pas un prophète qui est attendu autre que lui. Lorsqu'il leur est venu, et on dit qu'il leur est venu, ça veut dire c'est un verbe au passé. Donc il est déjà venu avec les preuves. Et c'est qui est-ce qui est venu à Bani Israël? Ahmed. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui est venu à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a un autre prophète qui est venu à Bani Israël? Non. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre qui est venu. Donc, alors si ce n'était pas lui, c'était qui? Posez-leur la question. Et il dit فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Lorsqu'il leur est venu avec les preuves claires et les miracles et toutes les évidences, ils ont dit ça c'est une sorcellerie évidente. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, et en même temps, donc, on va dire, ces gens-là, s'ils n'ont pas cru en Muhammad, c'est comme s'ils n'avaient pas cru également en leur propre messager. On va leur dire, donc, dans ce cas-là, tu as renié la foi en le messager que tu prétends suivre. Et la preuve, l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure dans le verset 105, dans Surat al-Shu'ara, que le peuple de Noé a renié les messagers. Et il dit, le cheikh, est-ce que le peuple de Noé ont démenti un messager autre que Nuh? Non, puisqu'il n'y avait pas d'autres messagers que Nuh avant Nuh. Hein? Ils ont renié que Nuh. Mais le fait d'avoir renié un messager, ça équivaut à renier tous les autres. Hein? Parce que celui qui a renié un messager, c'est comme s'il avait renié tous les autres. Et parce que la révélation, c'est la même. Hein? C'est-à-dire que le message d'Allah, c'est le même message pour tout le monde, pour tous les messagers. فَجَعَلَهُمْ مُكَذِّبِينَ لِجَمِيعِ الرَّسُولِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ نُوحًا رَسُولٌ قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Donc le cheikh dit, Allah les a déclarés tous comme ayant démenti les messagers sans exception, tous les messagers. Alors qu'avant Nuh, il n'y avait pas de messagers. Hein? Et il mentionne à ce sujet le verset 150 et 151 dans Surat al-Nisa, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, ceux qui ont renié la foi en Allah et en ses messagers et qui veulent distinguer ou séparer entre Allah et hein, entre la foi en Allah et la foi en ses messagers, et qu'ils disent on croit en certains d'entre eux et on renie certains d'entre eux et ils veulent prendre une voie entre les deux, ceux-là sont les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et le cheikh il dit, قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يعني فيؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل أو يفرقون بين الرسل. C'est-à-dire que soit ils croient en Allah mais ils ne croient pas en les messagers, ou ils distinguent, c'est-à-dire ils distinguent entre les messagers eux-mêmes. Ils disent on croit en certains mais on ne croit pas en d'autres, comme les chrétiens. Ils disent on croit en Jésus, on croit en Moïse, on croit en Abraham, mais on ne croit pas en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien les juifs qui disent on croit en Moussa alayhi sallam, mais on ne croit pas en Jésus, puis on ne croit pas en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont les vrais mécréants, c'est eux les vrais mécréants. Parce qu'ils ne suivent pas la vérité, ils suivent leur passion. Hein? Et le cheikh il explique par rapport au verset, ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي بين الإيمان والكفر يعني سبيلا أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء وذلك صادق تماما على المنافقين فالمنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Hein, أي حق ذلك حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc il dit وليتنبه لهاتين الفائدتين الأولى من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل والثانية من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc c'est ça. Il y a ceux qui veulent prendre une voie entre la foi et la mécréance, hein, et qui veulent se débarrasser de ceux-là ou de ceux-là, c'est comme l'attitude exactement comme les hypocrites. Parce que les hypocrites, ils croient en une partie, ils rejettent l'autre partie. Et donc, après, le cheikh dit, on peut tirer de ces versets-là deux points importants. Le premier, c'est que quiconque a renié un seul messager, c'est comme s'il avait renié tous les messagers. Et le deuxième point, c'est que quiconque a renié une partie, c'est comme s'il avait renié tout au complet. Hein? Et il dit, وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ آمَنَ بِبَعْدِ الشَّرِعَةِ دُونَ بَعْدِ مِثْلُ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فَرْضٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ لا يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهذا قد كفر بالجميع. قال تعالى قال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم هو يصلي ويصوم ويزكي نقول إنه كافر ولو صلى وصام لأنه زعم أنه ولو زعم أنه مسلم لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. Donc le cheikh il dit que on peut comprendre également comme conséquence à ça que quiconque a renié une partie de la charia, hein, et bien c'est comme s'il avait renié toute la charia. Même s'il croit en une partie, c'est comme s'il avait renié tout. Parce que, il dit le cheikh, c'est comme quelqu'un qui croit en la salat et qui dit oui, c'est un pilier de l'islam, mais il ne croit pas en la zakat. Celui-là, c'est comme s'il avait renié tout l'islam au complet. فَهَذَا قَدْ كَفَرَ بِالْجَمِيعِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 85 dans Surat al-Baqarah, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous reniez l'autre partie? Quelle sera la récompense ou la rétribution de celui qui agit ainsi, excepté l'humiliation dans cette vie d'ici-bas? Et au jour de la résurrection, il sera ramené au châtiment encore plus dur. Hein? وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. Et le cheikh, il dit, c'est comme celui qui croit qu'il est permis de juger par autre que ce que Allah a révélé, et il se crée une loi vers laquelle il retourne lorsqu'il y a des désaccords, en dehors du Coran et de la Sunna. Puis il fait la salat, il jeûne et il donne la zakat. Malgré ça, on dit il est kafir. Parce que même s'il prie, même s'il jeûne, et même s'il pense qu'il est musulman, mais il a cru en une partie du livre et il a renié l'autre partie. C'est comme ceux qui aujourd'hui appellent à la laïcité, qui disent yani, c'est permis d'être laïque, yani, on prend une partie de la dunya, on juge par les lois qu'on a inventées nous-mêmes, et les affaires de la religion, ça s'est séparé. On ne mélange pas la religion et la dunya. Hein? La religion, c'est la religion, c'est dans la mosquée. Et la dunya, les lois de la politique, l'économie et la société, ça c'est nous, c'est les hommes qui inventent leurs propres lois. Et on ne juge pas selon la charia. Donc ça c'est un exemple de kofr aussi. Parce que ça veut dire que quelqu'un, il croit juste en une partie de la religion, une partie de la charia, puis il rejette l'autre partie. Écoute, écoute bien qu'est-ce que le cheikh il a dit. Il croit dans son cœur que de juger par autre que ce que Allah a révélé est halal. Ça veut dire il le rend halal de juger par ce qui est contraire, qu'est-ce qui est autre que la révélation d'Allah ou autre que ce que Allah a révélé. Dans ce cas-là, ça c'est clair que c'est kufr majeur. C'est un kufr akbar yukhrij min al-milla. Quand quelqu'un juge par autre que la religion d'Allah, mais dans son cœur, il ne croit pas que ça c'est permis. Il croit que c'est haram. Mais il juge par autre que la loi d'Allah. Hein, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Son kufr est un kufr mineur. On va dire kufr duna kufr. Parce qu'il ne le rend pas halal. Mais celui qui le rend halal et qui pense que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, alors ça c'est kufr akbar. Mukhrij min al-milla. Si. Oui. Parce qu'elle suit sa passion. C'est comme quelqu'un qui sait que l'alcool est haram puis qui continue à le boire. Alors qu'il sait que c'est haram. Est-ce que on va dire qu'il est kafir? Non. Parce que le fait de faire le péché, ça ne veut pas dire que la personne ne croit pas que le péché en soi est interdit. Il y a des gens, parfois, yani, tu vas voir une femme qui marche dans la rue, tu la regardes. Est-ce que tu ne sais pas que Allah il a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, hein? Ya na'am, ya ayyuhalladhina, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Est-ce que toi, si tu regardes la femme dans la rue, ça veut dire que tu ne crois pas que Allah il a interdit de regarder la femme? Non, tu sais que Allah il a interdit. Mais pourquoi tu le fais alors? Parce que ton âme est faible. Parce que ta passion est plus forte que ta foi. Parce que tu laisses suivre ton nafs. Donc, il y a une différence entre celui qui fait le péché, qui reconnaît que c'est haram, mais qui le fait parce qu'il suit sa passion et son nafs et son shaitan, et celui qui dit, non, c'est pas haram, c'est halal. Et je le fais parce que Allah, il l'a permis. Ah, ça c'est kufr. Parce que tu le rends halal. Et rendre halal, ça c'est, l'istihlal, ça c'est kufr clair. Ou bien il croit que c'est supérieur à la loi d'Allah. Il croit que les lois des hommes sont supérieures à la loi d'Allah. Ça aussi, c'est kufr majeur. Ou il dit, c'est pas supérieur, mais c'est équivalent. C'est la même chose. Tu juges par la loi des hommes ou par la loi d'Allah, les deux c'est pareil. Là aussi, c'est un kufr majeur. Mais celui qui dit non, c'est la loi d'Allah est supérieure et au-dessus. Et c'est haram de juger par la loi des hommes ou d'une loi qui est contraire à la loi d'Allah ou qui est différente de la loi d'Allah. Sauf qu'il suit sa passion. On lui a promis un pot de vin. On lui a dit, si tu juges en ma faveur, je vais te donner de l'argent. Il suit sa passion. Il sait que c'est haram, mais il suit sa passion. Dans ce cas-là, c'est un kufr, mais c'est un kufr mineur. Et on ne va pas dire de cette personne qu'il a quitté l'islam dans ce cas-là. On va dire que son kufr est mineur, mais ça ne le fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est comme Abdullah ibn Abbas l'a expliqué, hein, à propos de ce verset. Il a dit, kufrun duna kufr. Laysa bil kufr alladhi yadhhabuna ilayhi. Walakin huwa kufrun duna kufr. Et c'est, hein? C'est ça. Ça, c'est pour montrer, en fait, la distinction entre la compréhension des salafs de ce verset et la compréhension des khawarij qui eux font le takfir des musulmans. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.